Éternel est Seigneur, soit loué. Amen. Nous inclinons nos têtes. Mufalme na mokozi Bwana Yesu Kristo. Notre roi et notre sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Tukunakupikia aksanti tena. Nous te disons encore merci. Shiku kwa shiku tukunona bile ukunafanya maisha yetu. Jour après jour, nous voyons ce que tu as accompli dans notre vie. Na tukunatambua kusema ni mapendo yako na buluma yako. Nous reconnaissons que c'est ton amour et ta miséricorde. C'est pour cela que tu nous ajoutes des jours. Njo kwa mana, Seigneur. Voilà pourquoi, Bwana, uturumie sa bantu. Pardonne-nous comme des hommes. Bitu bya mingi tukunafanya. Beaucoup de choses que nous faisons abina sawa. Ne sont pas correctes. Utukumbuke kwa kusema, Seigneur. Souviens-toi que, Bwana, nous sommes des gens faibles et nous avons beaucoup d'infirmités. Na angaria tu kazi inyeru fanyika pale Golgotha. Regarde seulement l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha. Vilori chikia sadaka na damu ile rumwanjika. Comme tu avais accepté le sang et le sacrifice. Ichika Seigneur. Accepte encore, Bwana. Na shitu pate ukaribia mu présence yako. Que nous puissions nous approcher de ta présence. Na ichika ombi ya kila dada na kila nduku. Et accepte la prière de chaque frère, de chaque sœur. Paka vilo richika sadaka na damu ya Yesu Kristo. Comme tu avais agréé le sacrifice et le sang de Jésus Christ. Na ichika tena imangaribi, Seigneur. Et accepte encore cet après-midi, Bwana. Uya kutu assiste. De venir nous assister. Sabatu bazaifu. Comme des gens faibles. Utu fungula akili. Ouvre-nous l'intelligence. Utupatie kutambua kwako. Accorde-nous, Dieu puissant Baba, ton discernement. Na utusaidie ili Seigneur tukuye batoto bazuri. Et assiste-nous, aide-nous afin que nous soyons des bons enfants. Umba ndani mwetu maali mzuri. Crée en nous des bonnes dispositions. Fanya ke kipagano kipate kuondoka ndani mwetu. Fais que le paganisme soit arraché de nous. Na saidia kila dada na kila nduku. Aide chaque sœur et chaque frère. Ikuya tabe nyebe konafuata kwa njia internet. Et s'assoit sur la qui nous suivent en ligne. Weye upate kutushika kwa njia roho yako. Et toi tu puisses nous saisir par le moyen de ton esprit. Kila muntu apate koneamo. Que chacun de nous puisse y trouver profit. Ni munjina lako Bwana Yesu Kristo. C'est en ton nom, Seigneur Jésus Christ. Tunaomba na kuamini ya kusema. Nous prions, nous croyons que utafanya binye tunakomba. Tu feras ce que nous t'avons demandé. Mujina Bwana Yesu Kristo. Dans le nom de Saint Jésus Christ. Amen. Apocalypse chapitre 3, je vous invite à vous lever. Namialika mpate kusimama, ufunulo surake ya tatu. Apocalypse chapitre 3. Ufunulo surake ya tatu. Verset 20. Mustara makumi mbili. Voici, je me tiens à la porte. Tazama, mina shimama kumulangu. Et je frappe. Nani kuna piga odi. Si quelqu'un entend ma voix kama, et ouvre la porte, kama mutu nasikia sauti yangu na nafungula mulangu, j'entrerai chez lui. Taingia kwake. Je souperai avec lui. Takula naye chakula mangaribi. Et lui avec moi. Naye atakula pamoja na mimi. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana abariki usomi ya sehemu ya andiko. Nous évoluons toujours avec notre sujet. S'intitulant « Et tu ne le sais pas ». Nous mettons beaucoup d'accent sur ça, comme nous le disions autrefois. Parce que ceci nous concerne en premier lieu. Et nous sommes ceux-là de qui l'Écriture parle. Et nous devons faire très attention. Parce que la question principale qui avait été soulevée pendant les jours passés est celle-ci. Qui connaît ses égarements? Nani ula najua kupotea kwake? Personne. Hakuna mtu. Maintenant, comme personne ne connaît ses égarements, vile hakuna mtu anajua vile kunaenda kupotea. Il te faut, ma soeur, il te faut, mon frère. Inakufadhali dada yangu na nduku yangu. Le secours de Dieu. Msaada ya kutoka kwa Mungu. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés. Njoo kwa maana tunajikusanyika hapa. Nous vous disions hier ceci. Tulikuwa tunaonyesha hivi jana que quand on regarde aux avantages que la nouvelle alliance offre, wakati tunaangalia kwa faida ile agano jipe kunaleta, nous n'avons rien à envier à ceux de l'ancienne alliance. Hatuna na vya kutamania kubali ba mwagano la kale. Parce que Dieu lui-même nous précise en disant ceci, sababu yeye mwenyewe Mungu anatuambia waziwazi hivi, que Christ, à cause de Christ, nous avons la garantie que les choses promises dans la nouvelle alliance, kwa ajili ya Christ tunalikikishwa kwamba vitu vilivyokuwa mwa agano jipya, nous avons droit de les expérimenter. Tuko na ile ruhusa ya shekubionja. C'est un droit pour chaque frère et pour chaque sœur. Ni halali kwa kila nduku na kwa kila dada. D'expérimenter chaque promesse de la Bible. Ya yeye nduku na dada apate kuonja kila malako ya Biblia. Répétez s'ils peuvent un peu. Oui. C'est un droit divin. Ni halali ya Mungu. Dieu te reconnaît cela. Ile Mungu anakuambia sasa ni yako. Toi qui a été attiré en ces temps de la fin. Wewe ule Mungu alivuta mwi wakati ya mwisho. Tu en as le plein droit. Uko na ile halali yote kabisa. De jouir de ce que Dieu a donné dans la nouvelle alliance. Ya kufaidia na kile Mungu aleta mwi agano jipya. Amen. Amen. Écoutez comment le livre, le Saint-Esprit parle par le livre des Hébreux. Sikia kile Roho Mtakatifu kunasemea kupitia kitabu ya Waebrania. Hébreux chapitre 7. Waebrania sura ya 7. Hébreux chapitre 7. Waebrania sura ya 7. Verset 22. Mustara makumi mbili na mbili. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Yesu eko kupitia ile mwenye kushimamia ile agano yenye kwa ya mzuri zaidi. Amen. Amen. Verset 24. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, lakini yeye, Yesu, parce qu'il demeure éternellement, vile kuna dumu milele, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Eko na kile kikoani kile haiwezi kuachia mwingine. C'est aussi pour cela na njo kwa maana jua ile, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Anaweza kuokoa na ukamilifu wale wote ambao wanamkaribia Mungu kupitia yeye. Okovu ya bya kweli. Le véritable salut. Kubadilika kwa bya kweli. Le véritable changement. Ula na pas kuyonja ni wewe na mie. Celui qui doit expérimenter cela c'est toi et moi. Na atuna na excuse à ta moye. Et nous n'avons aucune excuse à donner. Hébreux chapitre 9. Wa Ibrania sura ya 9. Verset 12. Mustara ya 12. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Aringia mara moja tu kunaisha pale pale takatifu. Non avec le sang des boucs et des veaux, apana na damu ya bambuzi na bangombe, mais avec son propre sang, lakini na damu yake mwenyewe, ayant acquis une rédemption éternelle. Mwenye kupata ile ukombozi ya milele. Ukombozi ya milele. Une rédemption éternelle. Na ule eko na sheria ya kulombo ukombozi ya milele ni weye. Et celui qui a le droit de demander cette rédemption éternelle, c'est toi. Aina ukombozi ya kipande. Ce n'est pas un salut, une rédemption à moitié. Amen. Amen. C'est ainsi que frère. Joko mana banduku. Voyant ce que Dieu a acquis pour nous. Mukona bile Mungu alitununulia. Sachant que nous sommes un peuple sans doute réconcilié avec Dieu. Nous avons droit à expérimenter ce que Christ a acquis pour nous. Sans discussion. Et c'est toi qui dois le réclamer. C'est toi, mon frère, qui a droit à cela. C'est ainsi que frère, vous allez remarquer, nous empruntons beaucoup de ces exemples de l'Ancien Testament pour te montrer combien il est obligatoire pour toi et pour moi qui avons véritablement cru que nous en avons droit de jouir de toutes les promesses de Dieu sans distinction. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous l'histoire du roi Saül. Ce jeune homme-là, frère, il était sorti un jour parce qu'il y avait dans le troupeau de son papa quelques bêtes qui étaient perdues. Vous connaissez bien cette histoire. Ils ont démarché pour retrouver les bêtes, ils n'ont pas trouvé. Et c'était Dieu qui faisait concourir tout ça. Parce que Dieu avait devisé un programme sur ce jeune homme-là. On peut prendre ça. 1 Samuel. Samuel wa kwanza. Chapitre 9. Sura kiatisa. 1 Samuel chapitre 9. Samuel wa kwanza sura kiatisa. Quand ils sont arrivés dans la ville où vivait le prophète Samuel, et qu'ils étaient fatigués, la Bible dit, verset 6, le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Amen. Regardez maintenant, suivez tout. Après, je saute un peu beaucoup de versets pour ne pas trop prendre du temps. Naluka misari ya mingi, shibebe wakati ya murefu. Lorsque Saül eut aperçu Samuel, verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. C'est-à-dire, c'est lui que j'ai choisi comme étant roi d'Israël. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte. Et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant, c'est-à-dire du prophète. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Écoutez maintenant la phrase qui commence. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Biote bia valeur kabisa mu Israël. Tous ceux qui sont merveilleux en Israël, on n'est-ce les pas qui... pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, Saul akajibu, ne suis-je pas Benjamite de l'une des petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Vous écoutez comment cet enfant s'est méprisé. Dieu avait déjà porté son choix sur lui. Et Samuel, en tant que prophète, lui dit, tout ce qu'il y a de précieux en Israël, Dieu l'a réservé pour toi et pour la maison de ton père. Frère, quand vous regardez ce qui est dit ici, toi et moi, nous pouvons nous retrouver aussi. Tout ce qu'il y a de précieux dans la parole de Dieu, toutes les promesses précieuses, c'est pour toi et pour moi. Mais Samuel ne comprenait rien. Et plutôt Saül. Il commençait à se minimiser. Il disait non. D'abord, je suis dans une famille pauvre. Et je suis un petit enfant. Samuel a dit, il n'en est pas question. Samuel, Dieu a déjà décidé que c'est toi qui feras partir de l'épouse. C'est toi qui dois expérimenter les précieuses promesses de la Bible. Toi, tu ne dois pas reculer. Le baptême du Saint-Esprit. La vraie nouvelle naissance. Frère, la sainteté. La paix. Salama. Tout ce qu'il y a de précieux dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a fait sortir des dénominations. Il dit, c'est pour que toi et moi, ceux-là qui vont expérimenter les promesses de la Bible, ceux-là qui ont les droits de Dieu, c'est toi et moi. Maintenant, si vous ne croyez pas, c'est compliqué. C'est difficile. Regardez comment le voyant parle. Verset 20 au milieu là-bas. Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Ni kwa nani kule wanachungia biote bia bizuri zaidi Israeli? Nani imama lako yote ya damani? Pour qui on a réservé toutes ces promesses précieuses de la Bible? C'est nous. Toi ne regarde pas en disant que oh, je n'ai pas encore fait longtemps dans les choses de Dieu. Seulement, c'est maintenant que je viens de croire. C'est comme ça que le jeune homme ici parlait. Je veux dire qu'il y a de quoi dans ces maca. Ne vois pas comme toutes les promesses de Dieu. C'est réservé à d'autres personnes dans cette église. Ce n'est qu'à toi, frère et soeur. Celui qui a des précieux dans la Bible, et pour toi, ma soeur, et pour toi, mon frère. C'est à toi d'en jouir. C'est à toi d'en prendre possession. Vous savez, croire au Seigneur, croire à l'œuvre du calvaire, afin que nous qui étions ennemis, nous avons été réconciliés. La réconciliation n'est pas un slogan. C'est-à-dire, nous sommes maintenant du côté de Dieu. Le Dieu qui autrefois marchait avec Abraham est celui qui marche maintenant avec toi. Et vous allez observer que toutes les fois que Dieu portait son choix sur un homme ou sur une femme, il y avait toujours une déclaration qui revenait plusieurs fois. Je serai avec toi. Même quand physiquement tu ne vois rien, crois que Jésus est avec toi. N'attends pas voir un spectacle surnaturel visible pour croire que le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas quand on aura beaucoup prié que le Seigneur sera avec toi. Dès lors que le Seigneur t'a apporté son choix sur toi et que tu as cru, crois aussi que le Seigneur est avec toi. Et les précieuses promesses de la Bible sont à expérimenter par toi. Tu n'as pas à te rétracter. Et le Seigneur aussi, dans sa manière d'agir, quand il a porté le choix sur quelqu'un, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe le niveau d'études, le choix de Dieu est déjà un avantage favorable pour toi. Tu dois aller de l'avant et croire que je suis le concerné dans cette affaire. Bon embarque. Que le Seigneur vous bénisse. Pour qui est réservé ce qui a de précieux en Israël? C'était pour Saül plutôt. Pourquoi il y a Saül? Mais lui commençait à se justifier. C'est ça la nature humaine. Croire que non, pour que Dieu m'accorde ça, pour que j'expérimente ça, il faut. Dieu donne le Saint-Esprit au petit comme au grand. Et vous devez croire. Amen. Et croire que c'est un droit pour toi. Parce que tu as cru, bibliquement parlant, c'est pour ça qu'il faut croire. C'est pour ça que tu as cru. Et tu en as le droit. Que le Seigneur vous bénisse. Il continue. Regardez le chapitre 10. Anamone Chasema, il lui a dit, Banans Kulakana, Anampakala Mafuta, ainsi de suite. Au revoir, il l'a ouvert. Anamone Chamalama, il est affiché pour qu'on a l'ouria. Il a montré les signes qu'il rencontrait. Il lui dit maintenant, verset 6, Anamone Chamusara, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Roya wa Mileta Kushika. Tu prophétiseras avec eux. Écoutez maintenant. Tu seras changé en un autre homme. Pas qu'à dans la route, tu seras totalement changé. Vous savez, Saül attendait des choses grandes. Non. Dieu n'est pas faiseur de grandes choses qui attirent le regard. Dieu, dans sa manière d'agir, c'est dans la simplicité. Le Saint-Esprit parle par Frère Branham. Je vais vous lire ça. Dans Dieu confirmant sa parole. Prédication prêchée le 26 avril 1965. Citation 130, je crois. Namini. Non, non, attendez, je cherche la citation là. 110 plutôt. Ni nukta kie mia moya na kumi. 110. Mia moja na kumi. Dieu utilise des méthodes très simples. Mungu ako natumia manamu na kiakutende ya unyenyekevu sana. Pour moi. Kwangu mie. C'est ça. Jo ile. C'est la simplicité de la chose qui fait que c'est Dieu. Ni unyenyekevu ya mamangu kunafika Dieu namfanya ya kwa Mungu. Namna bintu biku bia simple. De la manière dont les choses sont si simples. Dieu nenyatikishaka kusema ni Mungu. C'est ce qui me confirme que c'est Dieu. Vous voyez, l'écriture, elle parle en disant, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais vous allez voir que nous, quand nous voulons des grandes expériences avec Dieu, nous voulons que ça soit comme un spectacle que les gens vivent ça. Et que les gens applaudissent. Alors que Dieu n'est pas comme ça. Nous penchons, nous désirons toujours des choses qui attirent toute l'attention de toute la communauté. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu opère dans un cœur, d'un enfant, d'une jeune fille, d'un frère ou d'une soeur, même s'il n'a pas encore fait 10 ans dans l'assemblée, quand Dieu opère, ça passe inaperçu. Mais toi-même, ma soeur, qu'est-ce qui va te rassurer? Que tu seras changé en un autre homme. Utaona kwamba utabadilika kuwa sasa mtu mwingine. Mais comment ça se passe? Je ne sais pas expliquer ça. Ah, utajua kufasiria hiyo. Amen. Amen. Il dit ceci. Anasema hivi. 110. Mia mwana kumi. Nous cherchons toujours à trouver un grand quelque chose qui va faire quelque chose, mais attendez, oui, qui va faire quelque chose, une certaine grande organisation va s'emparer de toute la chose, alors que Dieu, lui, s'empare d'une simple personne, juste d'un seul homme, qu'il peut tenir dans sa main. Assez méchant, tu n'as pas qu'à bien tout biner. Il dit que nous cherchons des grandes choses. Bantu baone, les gens voient. Assez même Mungu yeye munamna kugutenda. Dieu lui dans sa manière d'agir. Il n'a mulomba tu apate comme un amouké moya ou un amouké moya. Il suffit de trouver une femme, un homme entre ses mains. C'est fini. Comment ça va? Et cette personne là. Jomo ne malako yote adamani Mungu konaye. C'est lui le propriétaire de toutes les promesses précieuses que Dieu a. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ça que nous devons comprendre Dieu, les choses. Dieu, tu n'as pas chacolé au mambo ya Mungu. Et suivez la lecture. Mufate kusoma. Verset 7. Musara kia saba. Chapitre 10. Sura kia kumi. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, wakati le malama itatimilika kwako, fais ce que tu trouveras à faire. Fanya kile utaona cha kufanya. Car sababu Dieu est avec toi. Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana mbariki. Que le Seigneur te bénisse. Amina kusema Mungu yuko déjà na wewe. Crois que Dieu est avec toi. Pale tu utaona roho yako inachanger. Lorsque tu verras ton esprit, ton cœur changer, tes pensées changer. Apana kutafuta wanguke mukanisa. Ne cherche pas te rouler par terre dans l'église que les gens voient. Amina kusema Mungu yuko déjà na wewe. Crois que Dieu est avec toi déjà. Bwana mbariki. Que le na Seigneur pale pale. Et là même. Amina kusema malako yote ya damani. Crois que toutes les promesses précieuses. Oui, on doit la passer ku réclamer. C'est toi qui dois les réclamer. Ula na pas kwanza kufanya mambo ya Mungu sasa ni wewe. C'est toi qui dois commencer maintenant à œuvrer dans les choses de Dieu. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous allez voir. Na mtaona. Toute la Bible. Biblia yote. Quand Dieu dit. Wakati Mungu anasema. Je suis avec toi. Niko pamoja na wewe. Je ne revenais pas deux trois fois pour dire Mungu ça. Mungu ashikwanze kurudia mara mbili mara tatu jua kusema tena vile. Amen. Amen. Je vous donne un deuxième exemple. Comment ça me vient? Mfano wa pili vile ni kuya. Vous savez. Unajua. Israël avait déjà passé 70 ans de captivité. Israël kwa kupitisha miaka 70 ya butumwa. Et un jour, na shiku moya, le roi Cyrus se réveille. Mfalme Cyrus akalamuka. Dieu lui a parlé dans un songe. Mungu alimsemezea mundoto. Et lui a ordonné narumurusu de mettre en œuvre de faire tout concourir pour que la reconstruction du temple ait lieu. Na fanya yote wezekanayo njuku kujenga kujenga hekalu kufanyikiwe. Cet homme-là se réveille. Ule mfalme akalamuka. Signe un décret. Aka Donne l'ordre. Maintenant prenez ça. Ezra. Ezra chapitre 1. Ezra surake ya kwanza. Ezra chapitre 1. Ezra surake ya kwanza. Esdras chapitre 1, Esdras surake ya kwanza, verset 2, mstaraki ya pili. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Hivi mfalme wa Perse Cyrus anasema, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Wa milele Mungu wa mbingu alinipatia mfalme wa Yuda. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Na niamuru nimjengie nyumba mu Yerusalemu ku Yudea. Qui d'entre vous est de son peuple? Nani ule katikati yenu yuko wa mtaifa yake? Écoutez maintenant. Sikilizeni. Que son Dieu soit avec lui. Mungu wake akwe pamoja naye. Hivi yuko anasema? Sikilizeni. Nikusema wa milele anasema yoyote atachika mwito na kuitika kwenda. Mungu atakuya naye. Que quiconque acceptera cet appel et acceptera de partir, Dieu sera avec lui. Que son Dieu soit avec lui. Mungu wake akwe pamoja naye. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda. Na pande ku Yerusalemu mu Yuda. Et bâtisse la maison de l'Éternel. Na kajenge nyumba ya milele. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Ni Mungu ule ku Yerusalemu. Frère, verset 5. Les chefs de famille de Juda, et de Benjamin, les sacrificateurs, les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Bale bote Mungu akalamusha roho yabo. Si Dieu veut nous tsunami. C'est comme ça que nous aussi nous avons Dieu veut nous patigana. C'est comme ça que nous retrouvons en ces lieux. Nduku wote dada wote. Chaque frère et chaque sœur. Mungu alifungula akili na macho. Que Dieu ouvre l'intelligence et les yeux. Et que tu as cru véritablement. Mungu est quoi? Dieu est où? Il est avec toi. Mungu est na wewe. Dieu est avec toi. Maintenant on n'a pas juste kuamini. Maintenant tu dois te croire. Comment on a ce semaine? Si tu commences à imaginer, pour que je croie que Dieu est avec moi, il faut que je sente quelque chose dans le corps. Satan te donnera des fausses expériences. Shetani atakupatia maonjo yake ya bongo. Dieu, il faut le croire sur parole. Mungu na fadhali kumuamini pa neno lake. Amen. Amen. Frère, Banduku, qui t'a réveillé l'esprit? Nani qui t'a convaincu? Nani qui t'a attiré? Nani c'est Dieu. Ni Mungu. Tu dois maintenant croire que Dieu est avec moi. Ya kwamba Mungu wa pamoja na mie. Dieu est avec moi. Mungu wa pamoja la preuve. Na... Akikisho, ce que j'étais, je ne le suis plus. J'ai été changé en un autre homme. J'ai été changé en une autre femme. Je ne suis plus l'ancienne personne. J'ai été réconcilié avec Dieu. Bonne que le Seigneur. Mais regardez ces gens ici. La Bible précise. Biblia tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Bale bote Mungu akalamusha roho yabo. Pour aller bâtir la maison de l'Éternel. À Jérusalem. Ils sont partis. Baritoka wanenda. Banafika mu Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem. Maintenant, il fallait kuanzulula kwanza kazi. Il fallait commencer la reconstruction. Kazi, ils ont commencé à travailler. Ma difficulté ya kila aina inaonekana. Diverses difficultés sont apparues. Ma blocage moi ya nguvu. Des blocages terribles. Ma danger ya nguvu. Des terribles dangers. Frère. Banduku. Ces gens-là ont commencé à paniquer. Ils ont commencé même à douter que Dieu n'est pas avec nous. Mungu aliona kaibu. En soi pale baranze kwenda. Lorsqu'il sortait. Ba kuonja mama lako ya Mungu. Ceux qui devaient expérimenter les promesses de Dieu. Ceux qui avaient les promesses de Dieu, c'était eux. Que comme beaucoup de difficultés. S'il y a une difficulté. Nous avons des droits divins. Tout qu'on a malali ya Mungu. D'appeler Dieu. Ya kumuita Mungu. Enseigne face à chaque difficulté, face à chaque maladie, face à chaque épreuve, face à chaque détresse, Dieu est avec nous. C'est comme ça que l'église aussi est dans la même position. Néanmoins, les frères et les sœurs qui ont été saisis par Dieu aussi en ce temps de la fin. Et Dieu voyant cela, il a suscité, il a appelé un homme du nom d'Agé. Agé, le prophète Agé. Nabi Agé. Prenez Agé là. Mubebe Agé. Agé chapitre 2. Agé surake ya pili. Agé chapitre 2. Agé surake ya pili. Agé chapitre 2. Agé surake ya pili. Vous savez, frère, hein? Il faut que ces choses s'ancre en nous. Il n'a pas eu but pour te couper un angle dans les yeux. Où est-ce que tu as mis les pieds quand il induku à Odad? Toi qui as cru véritablement mon frère, ma sœur. Il m'a bamba yo na roya koyote. Que ce problème puisse te puisse vraiment ce problème. À ta parole on a kotola que Mungu aina sana kulapa anakukana na kuacha. Même quand tu fautes, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Mungu anekalaka paka na wewe. Dieu est toujours avec toi. Je parle on onaka kama on a kotola. Voilà pourquoi quand vous ngaika pour que l'ombe buluma na utengeneze. Vous êtes pour demander pardon et réparer. C'est le signe qui montre que Dieu est avec toi. Cet empressement que tu as de venir à l'église, tu t'efforces de vivre la parole de Dieu. Ne cherchez pas à danser, à tomber, à prier. C'est le signe qui te montre que tu es avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et ces gens-là, commencez à douter alors que le message était divin. Ujumbe ilikuwa ni ya Mungu. L'appel était divin. Mwito ilikuwa ni ya Mungu. L'expérience était divine. Onjo ilikuwa ni ya Mungu. Ils sont même sortis. Baritoka ils sont arrivés à Jérusalem. Barifika ku Yerusalemu. Les travaux ont commencé. Makazi ilianza. Mais Dieu ne peut pas, frère. Observez comment Dieu parle. Dieu ne viendra pas travailler ou vivre la foi à votre place. Non. Dieu considère que vous êtes déjà convaincu. Dieu vous a réveillé l'esprit. Dieu vous a convaincu. Et vous êtes parti des dénominations et des fausses choses. Maintenant, tenez à la parole. Vivez la parole. Et vous verrez Dieu. Agé arrive. Agé anafika. Vers chapitre 2. Sura kiapil. Verset 2. Musara kiapili. Parle à Zorobabel. Sema na Zorobabel. Fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Mwana wa Shealtiel, liwali wa Yuda. À Josué, wa Yoshua. Fils de Jotsadak, mwana wa Yoshua. Le souverain sacrificateur. Mkuhani mkuu. Et au reste du peuple. Na kubale batu bengine banabakia. Bale bote batoka nabo. Et tous ceux qui sont sortis avec. Onesha bale baongozi abo bawiri. Zorobabel et Josué. Zorobabel et Josué. Na ambia peuple yote bale batoka nabo. Dis à tout le reste de Dis-leur. Ubonesha ivi. Verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Et travaillez. Mettez-vous au travail. Malgré la résistance, malgré les ennemis, malgré la faim, la nudité, malgré le chômage, malgré tout ce que nous pouvons énumérer ici, mettez-vous au travail. Car je suis avec vous. Niko pamoja na mweye. Ça Mais me mettez-vous au travail. Observez seulement la parole. Écoutez, je suis avec vous. Ça ne demande pas de signes. Croyez-vous même que c'est moi qui vous ai fait sortir de Babylone? C'est lui qui nous a fait sortir du monde et toutes les désordres des nations. Tu es ici, croyez que Jésus est avec toi. Même si lorsque vous enchaînez, crois que ta prière parvienne à Jésus. Mais si tu ne crois pas ça, tu attends que quand le président du culte priera, tu ne comprends rien. Malgré nos maladies, malgré tout ce que nous sommes là, Jéhovah, le Seigneur Jésus est avec chacun de nous. Dis-leur que je suis avec vous. Et puis, quand je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Que le Seigneur vous accompagne. Moi-même, je vous accompagne. En disant que mon esprit est au milieu de vous. C'est pour dire que Elohim, je suis avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand ils ont compris ça, on a dit, non, ça suffit. Toi aussi. Comme tu ne le savais pas, Vila, et que tu doutais beaucoup, na crois maintenant que tout ce qu'il y a de précieux dans la Bible, comme tu es Biblia, déjà avec Dieu, cela est ta propriété. Ile, na yo, ni semu yako, ni mali yako. Ni mali yako. C'est ta propriété. C'est lui qui doit expérimenter toutes les promesses de la Bible. C'est toi et non pas quelqu'un d'autre. Qui rendra possible ces choses? Mais c'est celui-là qui t'a convaincu. C'est celui-là qui t'avait réveillé l'esprit. C'est lui qui rendra possible ces choses. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, l'église, nous sommes comme dans l'attente des grandes choses qui viendront, alors que Dieu est déjà là. Dieu est déjà avec nous. Abilombe, frère, ça ne demande pas bandou. Que tu te jettes par terre, tu sens et comme de courant dans le corps. Ça te demande de te croire et de croire que Jésus est avec Dieu. N'importe quel problème t'arrivait, tu es dans la maison la nuit, toi et ta femme dites, nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec Dieu. Et Dieu est fidèle. Plutôt que de nous agiter, on s'agenouille. Quand vous commencez à parler comme ça, vous allez sentir une onction descendre et vous encourager. Pourquoi? C'est la preuve que le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Mais maintenant, comment vous l'affiche? Mais s'il y a un problème surgissait, cherchez le numéro du pasteur. Vous essayez, le pasteur est endormi. Cherchez le numéro de l'ancien. Vous commencez à appeler, ça commence à sonner tant tant. Que ferons-nous donc? Mais vous êtes avec Dieu ensemble. Il est plus grand que ton pasteur, que ton ancien. C'est lui qui t'a appelé. Est avec toi. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les problèmes, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et le droit que nous avons, c'est d'avoir Dieu avec nous. En tout temps, en toutes circonstances. Regarde comment il a fortifié. Dis-leur que je suis fidèle. Mon esprit est avec eux. Qu'ils se mettent au travail. Dans tout problème, la famille t'atteint. Dieu est avec moi. Crois que Dieu je peux me mettre à genoux et lui adresser quelques paroles. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ne crois pas que non. Ça s'appelle comme une quamba. Il a fait que j'appelle quelqu'un d'autre. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. C'est ainsi que vous entendez Frère Branham dire. L'Église vit en dessous de ses privilèges. L'Église, frère, est la propriété du Seigneur lui-même. Et Dieu ne peut pas faire autrement que d'accompagner son Église. Et l'Église, ce n'est pas tout le groupe. Chacun individuellement. Le Seigneur l'accompagne. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 6. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ dans les morts. Que dit-elle? Donc, la justice qui vient de la foi. La parole est près de toi. Dans ta bouche. Et où encore? Dans ton cœur. Que le Seigneur bénisse. La parole nous l'avons dans nos cœurs. Et Dieu est avec nous. Dieu est lié à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, ça s'est vu mille fois les mambo. Oh, comme j'ai commis ce problème. Frère Branham fait un commentaire, je crois, dans Pourquoi crier par. Ou bien tenez-vous tranquille. Il dit ceci. Le jour où Moïse et tout le peuple se retrouvaient face à la mer rouge, agitation est dense. Si Moïse devait se disait, oh, proclamons un jeûne de prière. Il dit que que le Seigneur vous bénisse. Satan aussi, frère, il présente des obstacles pour te faire douter de tes droits. Vous voyez un problème surgir. Tu commences à croire. Ce que Satan te présente comme obstacle, comme étant la vérité, alors que la vérité c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez un homme comme Daniel. Angalieni mtu sawa Danieli. Prepita maisui kwa permission. Ikom. C'est fermé partout ici. Regardez, frère. Mwangalieni banduku. Un événement, un temps critique arrive. On exige à tout le monde d'adorer la statue. Et Daniel dit non. Non. Même si on est dans un territoire étranger, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous, on ne peut pas faire comme le monde. Non. Daniel a dit non. Daniel a dit non. Akuna pasteur hapa, akuna diacre, akuna frère mwingine, sœur mwingine. Achina ko. Mais une chose, comme la parole était dans son cœur. Quelle parole? Daniel savait tout simplement que Daniel, nous les Juifs, on a un droit. Quand les choses deviennent compliquées, Dieu a fait une promesse. Salomon lui avait demandé que si les choses compliquaient ton peuple, même s'ils sont à l'étranger, ils ont le devoir de se mettre à genoux, de tourner leur regard vers Jérusalem et vers le temple. Cela suffit. Frère, Daniel n'avait pas beaucoup besoin de beaucoup d'écritures ou d'exhortations. Daniel, Daniel a dit, cela fait partir de notre droit en tant que juif. Quand les choses deviennent compliquées, que nous soyons en Israël, que nous soyons dans un territoire étranger, en tant que juif, nous avons la responsabilité et le droit de prier Jéhovah. La face tournée vers Jérusalem et vers l'Hekalu. C'est fini. Kunaish. Daniel a pris la résolution Daniel de se mettre à genoux. Ya et il priait. Il priait. Lisez la suite. Dieu est lié à ce qu'il a donné comme acquis à son peuple. Il a relayé ça maliabo. Ce qu'il a donné comme étant malaliabo. Comme étant parce des que droits. Les acquis sont des droits. Bon embarrique. Le et Dieu ne pouvait pas se rétracter et dire non, les temps sont compliqués. Vous savez quand j'avais dit ça, non, Dieu n'est pas comme ça. Quand il dit voici je suis avec vous, il est avec vous. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, que tu sois malade, murmure seulement le nom de Jésus. Parce qu'il est là. Seigneur, souviens-toi de moi. Bon embarique. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ça. Il s'est souvenu de ça. Et il s'est mis au travail. Frère. Bandoku. Dieu. Mungu se souvient de son alliance. Dieu se souvient de son peuple. Il ne peut pas Awezi. Quand les situations deviennent compliquées, il n'est pas le genre de Dieu qui demande qu'on crie très fort. Non. Non. Dieu n'est pas comme ça. Mungu yana vile. Même dans le cœur là, attends, une prière silencieuse, cette prière est efficace pour le toucher. Comme cette femme de perte de sang l'avait touché. C'est pourquoi nous avons des mazères. Ils sont comme les prophètes de Baal. Ils croient que c'est en frappant beaucoup les mains, en bougeant trop la tête, que Dieu finira par exaucer. Non. Notre Dieu, nous le connaissons. Nous savons que une prière silencieuse, même un murmure, c'est une façon de le toucher. Amen. Amen. C'est une façon de le toucher. Daniel a prié. Daniel a riomba. Il priait. Et la scène a changé. Et Dieu est entré en scène. Frère, pour donner raison à Daniel. Pour défendre Daniel. C'est dans Daniel, je crois, 6 ou 7, quelque chose comme Daniel ça. Allez lire ça à la maison. Mais quel est le but principal de tout ce que nous disons? C'est pour te dire, hein, toi qui avais été touché dans ton cœur, convaincu que même ce message est la vérité, et tu t'es engagé pour vivre ce message, ce qui a des pressions dans ce message est pour toi. Qu'est-ce que ce message est venu apporter? Les véritables expériences bibliques comme autrefois. Amen. Amen. Non seulement les expériences bibliques, la présence permanente du Seigneur accompagne chaque frère et chaque sœur qui a été convaincu par Dieu. Vous savez, quand vous regardez aux exemples bibliques, cela vous encourage. Les Juifs, hein, en lisant Esaïe 35. On peut lire ça. Tout à l'heure, ça a coûté. Parce que tu as ma vie, bien, avant ta somme. Esaïe 35. D'autres ne peuvent pas lire, qu'on lise simplement Esaïe, sur la comité de Nathano. Esaïe 35. Isaïa sura makumi tatu na tano. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ambia bale bote ni kona mioyo inyofadhaika. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, les boiteux sauteront comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Tout juif convaincu que quand Dieu viendra, ce sera un homme au devant de cet homme, même le paralytique, même l'aveugle, même le sourd, même la lèpre, il va guérir cela. C'est ainsi que vous allez remarquer. Ceux qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie, le Christ, frère, eux s'en allaient étant convaincus qu'il y a un Dieu, peu importe l'apparence, peu importe la taille, peu importe tout ce qu'il est là, mais c'est lui Jéhovah. Et devant Jéhovah, aucune situation n'est impossible. Frère, regardez. Il y a eu un monsieur qui était un sacrificateur, je crois. Jairus. Quand Jairus s'est allé vers Jésus, frère, il arrive devant Jésus. Il lui dit, ma fille est en train de mourir. Viens seulement, impose-lui les mains et il vivra. Elle vivra. Frère, Yesu anasema ça va twende. Jésus a dit ça va. Parce que c'était un homme respectable. Jua kwa ni mtu wa heshima mheshimiwa. Jésus a dit ça va. C'est un homme indignitaire parmi les juifs. Yesu anasema ni mheshimiwa katikati ya Wayuda. Déjà il m'occupait du cas de son fils, de sa fille plutôt. Angaikie mambo ya bintu. Chemin faisant. Mubalabala mule beko nenda. Bantu beko natoka kwa Jairus. Les gens venaient de Jairus. Anasema umwache mfano. Il disait que laissez-le simplement. Mtoto anashakufa. La fille est déjà morte. C'est déjà un signal fort. Et quoi, alama ya nguvu ile. Jésus a saisi ça. Yesu anashikia. Il regarde Jairus. Anageuka na mwangalia Jairus. Crois seulement. We amini tu. C'est-à-dire, tu ne nyamina se niku Mungu. Si ma cru étant Dieu. Até vini ku na mapapa. Même quand je suis en bouche. Até vini ku kiana kukushinda. Même comme je suis jeune. Tu ne nyamina se niku Mungu. Tu m'as déjà cru comme étant Dieu. Ya Mungu. Et devant Dieu. Até lufu. Même la mort. Unapashaka kuacha fwaji. Dois céder. Twende. Allons-y seulement. Jairus n'a pas d'angouf. Jairus a trouvé un oui, oui, il a dit que c'est lui avec qui Jésus c'est Dieu. Mais Dieu que mambo. Et Dieu ne choue jamais. Oule na shitu kuna enjo Mungu. C'est lui aussi avec qui Mungu nous avons mambo kama inafika. Dieu aussi quand hakuna mambo inampitaka Mungu nguvu. Il n'y a aucun problème qui surpasse Dieu. Bwana mbariki. Que Dieu vous bénisse. Banenda. Ils sont partis. Banafika kwa Jairus. Ils sont arrivés à la maison. Bantu unaona vile birio binekalaka. Vous savez comment les gens se Bantu bwana unanguka chini. Les gens se tombé par terre. Anafika na sema makelele vinini. Il a dit pourquoi il y a beaucoup de bruit comme ça? Mutoto anesha kulala. L'enfant même vous ne retournez pas ici. Pourquoi vous jetez comme ça? Ces gens l'ont répondu, est-ce que l'enfant dort? Ils disent que comment il se prétend? Yesu anangara sema Abba yaamini. Jésus a dit qu'il a vu que ces gens n'ont pas encore cru. Il a pris Jacques, Arumbeba Yakobo, Jean, Yawane, et je ne sais pas, Jean aussi, je crois. Jean-Pierre et Jacques. Petro, Yawane na Yakobo. Na baba na mutoto ya mama. Et là, le père et la mère. Moi, je m'en ai nyamina, c'est ni kum Jéhovah. Vous m'avez cru que je suis Jéhovah. Maintenant, entrons à l'intérieur. Parce que, ceux-là qui croient que je suis Dieu, c'est avec eux il faut marcher avec. Que Dieu vous bénisse. Ils sont entrés dans la maison. Dieu et Jésus a pris l'enfant à la main. Jeune fille, Binti, lève-toi. Shimama. Baba qui ne manque pas, nous sommes tous en l'amour. Son père, nous avons vu que l'enfant s'est réveillé. On a ouvert la porte, l'enfant est sorti. Les gens ont regardé, ils étaient. En affaire, mais Mungu. Il est Dieu. Bon embarique. Que le Seigneur maintenant, même nos cas. Attends, maman, comme Dieu chez est avec nous. Fille, Mungu, le même qui est avec Jairus. Si tu en as tout qu'on aille. Avec lui que nous croyons que Jésus est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Tel que Jairus avait pris courage. Quand il nous disait crois seulement. C'est comme ça que nous croyons. Que le message même que nous croyons, c'est Jéhovah qui l'a envoyé. Et nous sommes ici par l'appel de Jéhovah lui-même. Et quiconque a cru, Jéhovah est avec lui. Mais dans toutes nos situations, Jéhovah est là. Jéhovah est quoi pas? Bon embarique. Jéhovah est là. Jéhovah est quoi pas? Nous n'avons pas à trembler. Frère. Avoir Dieu comme partenaire. Frère. Rien ne peut nous troubler. Je préfère pas mutu ibambe shibote. Je préfère que nous puissions servir. Je sais que parfois tu qu'on a maman boisha ko pita kitimo. Je sais que les gens ont des les dépenses. La foi. La kini mani. C'est de ce que tu entends. Iko na toka mwili una shika. Prends maintenant ce que tu entends là. Beba hivi kuna shikia hapa. Mets-toi au travail. Ingia mkazi. Bon embarique. Que le Seigneur bénisse. Mets-toi au travail. Ingia mkazi. Pour ta situation. Juu ya mambo yako. Le chrétien. Mu Kristo. N'est pas un quémandeur. Ana muntu kulomba lomba. N'est pas un pleurnichard. Non. Le chrétien. Mu Kristo. A l'assurance. Comme un jeune lion. Sawa kijana wa simba kijana. L'assurance que ma mère, mama yangu, dès qu'elle se sera levée, mama, nous aurons à manger. Tutapata chakula. Bon embarique. Que le Seigneur vous les lionceaux ne sont jamais troublés. Simba, quand leur la femelle, la maman est là, mama, les lionceaux se sentent en sécurité. Le chrétien aussi, du fait que Dieu nous a parlé, et nous sommes rassurés que Dieu est avec nous. Même quand nous aurons branché, Dieu est toujours avec nous. La preuve, nous nous repentons. Et Dieu nous soutient. Bon embarique. Amen. C'est ainsi que vous allez voir. Tout le temps que Jésus était sur la terre. Frère Branham fait un bon commentaire au sujet de Bartimée. Il dit Bartimée ce jour-là. Il était assis à côté de la route, il a dit Jéhovah. Comment dis-je à quoi t'as wakati à Élisée? Si j'avais vécu au temps d'Élisée. Comment dis-je à quoi t'as wakati à Élie? Si j'avais vécu du temps d'Élie. Comment dis-je à quoi t'as temps à Josué? Si j'étais là au temps de Josué. Je crois que Matuangu. Je crois que mes yeux seraient déjà ouverts. Dans la prédication de Dieu confirme la parole. Frère Branham fait une bonne déclaration. J'ai oublié la suite. Il dit, quand vous avez besoin de lui, lorsque vous avez besoin de lui, il apparaît. Il apparaît. Assez pas le nom nakusema. Là quand vous voyez que les choses sont coincées tellement, on commence à dire mon Dieu. Assez mais il est déjà là. Il est nakusema chasse mon Dieu. C'est qui te fait dire mon Dieu, mon Dieu. Mais t'attends que Dieu m'ouimango. Comment sortirai-je de ce problème? Qui va me secourir? Assez mais il est déjà là. C'est ce qui te fait parler comme ça. Il attend que tu le touches maintenant. Bon embarique. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, Nassaz. Je Bartimée plutôt. Bartimayo. Et qu'on a l'ouricha Mungu dans l'histoire. Il ramenait Dieu dans l'histoire. Comment dit chaque côté à Moïse. Si j'avais vécu du temps quand de Moïse. Quand dit chaque côté Moïse, à Élisée. Si j'avais vécu du temps d'Élisée. Mais il ne savait pas que le Dieu qui opérait avec Élie et Élisée était déjà sur la terre. Mais pendant qu'il pensait, il a entendu des bruits. C'est un bagarre ou quoi? Nini. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont dépassés là-bas. Dieu, la profondeur. Opana, appelle la profondeur. Amen. Amen. Il a entendu les bruits. Nini, bantu, Il a eu quand même un monsieur de bonne volonté. C'est Jésus de Nazareth, le fils de David. Mwana wa Daudi. Bartimasima. Oh, le Messie, Masia, c'est lui. Niyeye. Le Messie, Masia, le Christ, Christu, Dieu, Mungu, tout puissant, wa en tant qu'homme, sawa muntu, Il a dit que c'est fini, je ne peux pas. Il a commencé à crier. Il a pitié de moi. Ma soeur. Jésus était là. Yes, pas et cette profondeur là, il est au l'a touché. Il s'est arrêté. Arishimama. Faites-le venir. Est-ce que toi tu n'as pas une profondeur en toi? Que dit ta profondeur pendant que Jésus parle de cette façon? C'est pour te certifier que cette parole qui sort, c'est déjà ça la présence du Seigneur ici. Maintenant, que vas-tu faire? Vas-tu rester intact? Fais que ta profondeur là puisse le toucher et l'amener là où tu es. Parce que tu as un problème qui te dépasse. Oh Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais qui t'a amené à croire? Qui t'a ouvert l'esprit? Qui t'avait convaincu? N'est-ce pas le même Jésus? Dis-lui les choses précieuses. La guérison, c'est un droit. C'est réservé pour nous que dont tu avais réveillé l'esprit. Les choses précieuses de la Bible sont pour les enfants dont Dieu a réveillé l'esprit. Et maintenant, que vas-tu faire? Murmure le nom de Jésus. Seigneur, José n'a pas parlé de lui-même. C'est toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Murmure seulement ce nom-là. Jésus est avec chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous levons. Tout à chimama. Tafta Kanti qui a bien. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi. La foi dont merveilleux il nous vient des cieux, que connaît-le, quel droit, alléluia, oh, quelle richesse. Je n'ai pas beaucoup parlé. Souviens-toi de moi. Tu as envoyé la parole. Prions Dieu tous ensemble.